salut les copains. Salut les copains. Vas-y, vas-y, lève ton poing. Salut les copains. Montre-leur t'es avec eux. Salut les copains. Salut les copains. Salut les copains. Vas-y, lève ton poing.